Lord wants us to take His word very serious. Der Herr möchte, dass wir sein Wort ernst nehmen. Éternel, qu'on puisse prendre sa parole au sérieux. He wants us to take His word very serious. Er möchte, dass wir sein Wort sehr ernst nehmen. Il veut vraiment qu'on puisse prendre sa parole vraiment au sérieux. Amen. Amen. We have our message, which is grace and faith, and then also grace and love. But we are going to go through this before we go to our message. Wir haben eigentlich unsere Hauptnachricht Gnade und Glauben versus Gnade und Gesetz. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte der Herr erstmal, dass wir über ein anderes Thema sprechen. Oui, on a encore notre message qui est la grâce et et la foi et aussi la grâce et la loi. Mais avant d'y aller, on va l'Éternel m'a donné d'abord un autre message. Oui, qu'on va y parler. He does not want us to dilute His word. Er möchte nicht, dass sein Wort verwässert oder verfälscht wird. L'Éternel ne veut pas qu'on puisse diluer sa parole. If he says hate is hate. Wenn er sagt Hass, dann meint er auch Hass. Quand il dit qu'il déteste quelque chose, il dit là aussi, il dit qu'il déteste. C'est vraiment la haine. If he says love is love is love. Und wenn er von Liebe spricht, dann meint er auch Liebe, seine Liebe. Et quand il parle de l'amour, il parle aussi de son vrai amour. His hate and his love are even more serious than that of this world. Und seine Liebe und sein Hass ist viel ernster zu nehmen als das dieser Welt. Son amour et sa haine, c'est prendre à plus sérieux que celui de ce monde. His hate is more even stronger than that of this world. Sein Hass ist sogar stärker als der Hass, den die Welt sozusagen definiert. Sa haine est plus puissante que la haine de ce monde. His hate means also death. Denn sein Hass bedeutet auch gleichzeitig Tod. Parce que sa haine, ça signifie aussi la mort. If you say hates people, it means see them as dead. Wenn er sagt, du sollst Menschen hassen, dann meint er damit, dass du sie auch als tot betrachten sollst. Quand il dit que quelqu'un est mort, il veut aussi que quand il dit qu'il déteste quelque chose, il veut aussi dire que la personne est morte. It means you are no longer. It means you can never be one with them. Und das bedeutet, dass du nicht eins sein kannst mit diesen Menschen. Donc tu dois considérer la personne comme morte et tu ne peux pas être une personne avec la personne. Except they repent. Es sei denn, sie tun und kommen zu Christ. Und kommen zu Christus. Sauf si ils se repentent et viennent vers le Christ. Are you getting it? It's what you call hate. You know, you cannot even compare it to what this world calls hate. Was er Hass nennt, kannst du nicht mal vergleichen mit dem. It's just too strong. Was er Hass nennt, kannst du nicht mal vergleichen mit dem, was die Welt Hass nennt, weil seine Art von Hass viel stärker ist. Ce que l'Éternel considère comme la haine, c'est plus puissant que la haine de ce monde. Donc, oui, tu ne peux pas le comparer avec la haine de ce monde. We go there later. Amen. Wir sprechen später noch in der Tiefe darüber. On va s'y parler après. The Holy Spirit is my teacher. Der Heilige Geist ist mein Lehrer. Le Saint-Esprit est mon professeur. And not English language or any language. Und nicht die englische Sprache oder irgendeine andere Sprache. Et pas la langue anglaise ou bien une autre langue. You know, a lot of pastors, they go into your dictionary a lot. I don't go into dictionary, I go into the Holy Spirit. Amen. Viele Pastoren schauen noch mal ins Wörterbuch rein, um sich bestimmte Wörter irgendwie auf eine andere Sprache übersetzen zu lassen. Aber ich verlasse mich nicht auf irgendwelche Wörter oder Begrifflichkeiten, sondern ich verlasse mich auf den Heiligen Geist. Ja, beaucoup d'autres pasteurs, quand ils sont en train de prêcher, ils partent d'abord, ils prennent leur dictionnaire et ils partent aussi s'édifier aussi là-bas. Mais moi, mon édification, c'est seulement à travers le Saint-Esprit. Je n'utilise même Amen. Pas it is, whatever it is, English or Benin or any language or Dutch, I don't even care to know. What I care is it the Holy Spirit? Is it coming from the Holy Spirit? Is it the Holy Spirit that is speaking? Are you getting it? Und ich lege keinen Wert auf die Sprache, ob es Englisch ist oder ob es Benin ist oder Deutsch ist, sondern mir geht es nur darum zu wissen, ob es von dem Heiligen Geist kommt, ob es vom Heiligen Geist ist. Und das ist das Einzige, was zählt. Moi, je ne lis même pas le dictionnaire, ça m'intéresse même pas si c'est quelle langue ou bien quelle définition. Moi, la seule chose qui m'importe est que est-ce que la chose que je dis ou bien est-ce que ça vient du Saint-Esprit ou bien oui, c'est le Saint-Esprit qui a dit ça, oui ou non. on va lire Jean 14. John 14, verse 26. Johannes 14, 26. John 14, verse 26. You know, a lot of pastors cannot even mention the Holy Spirit said. Viele Pastoren können auch nicht mal den Heiligen Geist erwähnen oder zitieren. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent même pas citer le nom du Saint-Esprit. Amen. Bélicité, oui. I always say the Holy Spirit said. Because without him, I cannot even say it. I don't know them and I cannot say them. Aber ich sage immer, der Heilige Geist hat gesagt, denn ohne ihn wäre ich überhaupt gar nicht in der Lage, Dinge auszusprechen. Mais moi, par contre, moi, je dis toujours que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de dire ceci, cela, parce que moi, sans le Saint-Esprit, je ne suis même pas capable à parler. And I also know that Allah used the Holy Spirit in vain. Und es gibt auch viele, die den Heiligen Geist umsonst oder den Namen des Heiligen Geistes umsonst benutzen. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de pasteurs qui citent le nom de Saint-Esprit en vain. Amen. And I also know that there are lots that, you know, they are, you know, Satan is the author and the finisher of everything they are doing, but they cover it with the Holy Spirit. Und ich weiß, dass es auch Leute gibt, die sozusagen gemeinsame Sachen mit dem Satan machen, weil er der Anfänger und Vollender ihrer Werke sind, aber diese Menschen sozusagen den Namen des Heiligen Geistes in den Mund nehmen, um ihre Taten zu rechtfertigen. Je connais aussi beaucoup de pasteurs qui sont en train de faire leurs œuvres à travers le diable, mais ils sont en train de couvrir leurs œuvres mauvaises avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. In verse 26 of John 14. Jean 14, verset 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He shall teach you all things, and shall bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Who should teach us? Who should, you know, to help us? In everything should be the Holy Ghost. Der uns lehren sollte und uns in allem helfen sollte, ist der Heilige Geist. Il nous dit que la personne qui va vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même, c'est le Saint-Esprit. You know, a lot is their dictionary that we help them. They don't just, you know, their English dictionary. They have a lot of, you know, they have different ways that, you know, that they now conclude in the Word of God. Und für viele ist ihr Helfer ihr Wörterbuch oder ihre Lexika, die sie haben, um sozusagen diese Weisheit zu bekommen, die sie brauchen, und nicht eben nicht der Heilige Geist. Et pour beaucoup de pasteurs, c'est vraiment leur la personne qui leur aide, c'est leur dictionnaire ou bien leur lexicon, mais c'est pas le Saint-Esprit. No dictionary can reveal the wisdom of Christ. Aber kein Wörterbuch kann. Help you to know it, what it is. Aber kein Wörterbuch kann die Weisheit Gottes für einen offenbaren und ihm zeigen, was das wirklich bedeutet. Mais il y a aucun dictionnaire qui peut te révéler la vérité du Saint-Esprit. Are you getting it? Amen. Let's go to John 16, please. Very close to where we just read. Amen. John 16, verse 13 and 14. Are we there, please? Amen. He says, Johannes 16, Vers 13 bis 14. Jean 16, verset 13 à 14. He said, howbeit when he, the Spirit of truth, is come. Praise the Lord. Amen. Remember, the whole of this Spirit, the Holy Ghost, was in Jesus when he was here. Erinnert euch, dass zu dieser Zeit der Heilige Geist vollkommen in Jesus Christus drin war, als er hier auf Erden war. Rappelez-vous que le Saint-Esprit était dans le Christ quand il était ici. Amen. And he was unable to go to many places because he's 100% God and 100% man. Und er war 100% Mensch und 100% auch Gott. L'Éternel était 100% être humain, il était aussi 100% Dieu. And the whole of the Holy Ghost was in him. Und die Ganzheit des Heiligen Geistes war in ihm. Et la plénitude du Saint-Esprit était en lui. And he was limited to places he could go. Und er war limitiert. Because he was the only one, Jesus Christ. He was only one Jesus. Mm. And not 100 Jesus. Mm. But today we have how many Jesus here? Are you getting it? Mm. Und weil er sozusagen der einzige Jesus da war, der damals auf Erden war, war er limitiert, überall hingehen zu können, weil es nicht tausende Jesus gab, sondern nur den einen. Et vu qu'il était le seul Jésus, oui, avec le seul Saint-Esprit, en fait, il était vraiment limité à où il pouvait partir, donc c'était vraiment très limité. Mais aujourd'hui, nous tous sommes Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay, let's please put something here and go to John 14. You are still coming back to John 16. John 14, verse 12. Wir gehen zurück zu Johannes 14, Vers 12. John 14, verset 12. Amen. He said, verily, verily, I say unto you, he that believe on me, the works that I do shall he do also. A greater works than this shall he do because I go unto my Father. Praise the Lord. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das heißt, heute sind wir Jesus, weil wir alle den Heiligen Geist in uns haben. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses que j'ai auprès. Amen. Oui, les plus grandes choses, oui. You know, the greater works is going on everywhere today through us. Und dieses größere Werk ist, dass er heute überall hingehen kann, überall präsent sein kann durch uns, die den Heiligen Geist haben. Il a dit qu'il accomplira les œuvres plus grandes, et les plus grandes œuvres, c'est quand nous on est quand il est en train de se manifester en nous pour qu'on puisse prêcher aux gens. Donc il prêche à travers nous. Amen. As a man, you have your job. Als Mensch hast du deine Arbeit. Étant un être humain, tu as ton travail. And the Holy Ghost also has his own job. Und auch der Heilige Geist hat seine Arbeit. Et le Saint-Esprit aussi, il a son propre travail. He said, you preach to them. Wir sollen zu den Leuten predigen. Il dit que nous, on doit prêcher. Amen. There are so many places you go to that I've never even been there or I cannot even go there. Es gibt so viele Orte, wo ihr beispielsweise präsent seid. Or people you meet. Oder Menschen, die ich begegne, die ich zum Beispiel nicht begegne, oder an Orten, wo ich nicht präsent bin. Il y a beaucoup de places où vous partez que moi je suis même pas là, donc vous êtes présent de gauche à droite et moi je suis même pas là avec vous. But the greater work is going on. Aber das größere Werk wird weiterhin fortbestehen. Mais le plus grande œuvre est en train de continuer. Amen. People you know that I don't even know. Amen. That you are preached to. You are revealed Christ to. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. The greater work is everywhere today for us. Mm-hmm. And we are on it. Ihr kennt beispielsweise Menschen oder begegnet Menschen, denen ich beispielsweise nicht begegne. Und diesen Menschen gebt ihr die Wahrheit und predigt zu ihnen. Und das ist das größere Werk, was weiterhin fortbesteht. Ja, donc vous rencontrez des gens que moi-même je connais même pas. Et vous êtes en train de les prêcher de la vérité. Vous êtes en train de révéler l'éternel Jésus-Christ à eux. Et moi, je suis même pas là. Et ça, c'est l'œuvre, une des grandes œuvres que l'éternel est en train d'accomplir à travers nous. Amen. And through you and me, a lot are going to be saved. Und durch dich und mich werden viele Leute errettet werden. Et à travers toi et moi, il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés. Amen. When Jesus was here, a lot were saved also. Und auch disciples. For example, amen. Und auch als Jesus hier war, wurden viele Leute errettet, beispielsweise die Jünger, die er auserwählt hat. Et quand par exemple Jésus était ici, il y avait beaucoup de gens qui étaient sauvés, par exemple les disciples. But now, even more people. Amen. Because the greater work is going on. Amen. Aber jetzt werden sogar noch mehr Leute errettet durch dieses größere Werk, was weiter fortbesteht. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont en train d'être sauvés parce que l'œuvre, la plus grande œuvre est en train de continuer. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. This morning was speaking to me concerning the ministry here. Heute Morgen hat der Herr zu mir gesprochen in Bezug auf die Gemeinde. Aujourd'hui, il m'a vraiment parlé à travers, oui, concernant ce ministère. He said, we always see ourselves so few. Er hat gesagt, dass wir uns so als als unsere Gemeinde als so wenig sehen. Il dit que nous on pense de nous qu'on est vraiment on est peu ici à l'église. He said, we are not few. Aber wir sind nicht wenige. Mais nous ne sommes pas peu. He said, the whole of heaven is part of this ministry. Amen. Denn das gesamte Himmelreich ist Teil dieser Gemeinde. Mais dit, tout le royaume des cieux est fait partie de ce ministère. Amen. That the natural man cannot see them, does not mean they are not here. Und nur weil der natürliche Mensch Amen. Sie nicht sehen kann, heißt das nicht, dass sie hier nicht präsent sind. Et juste parce que l'être naturel n'est pas capable à voir le royaume des cieux ici, ça signifie pas qu'ils ne sont pas ici. It's a Peter, Paul, John, and all others. They are still here with us. Denn Petrus, Paulus, Johannes, sie alle sind hier in dieser Gemeinde mit uns. Pierre, Paul, Jean, eux tous, ils sont ici aujourd'hui avec nous ici dans ce ministère. Amen. Amen. And we are not few as those in the flesh can see it. Und wir sind nicht wenige, nur weil es in den Augen der Leute auf dieser Welt so aussieht. Et nous sommes pas peu, juste parce que les gens charnels peuvent voir que, oui, peu de personnes, nous sommes de plus ici. Remember, those that be with us are more than Amen. Those that be with them. Erinnert euch, dass die mit uns sind zahlreich und sind als die mit in der Welt sind. Rappelle-toi, ceux qui sont avec nous sont plus que celui dans ce monde. It's like so, we should not seek quantity, we should seek it. Und deshalb sollten wir nicht die Quantität sehen, sondern wir sollten nur Christus sehen. Amen. Et c'est pour cela on doit pas voir la quantité, mais on doit voir les esprits en Christ. I'm free now. Praise the Lord. I always see you. Praise the Lord. Please back to John 16, Amen. Please. Because of time, I just quickly want to rush this. Amen. Zurück zu Johannes 16. On va rentrer à Jean 16. Amen. Verse 13 and 14. Vers 13 und 14. Verset 13 à 14. It says, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Praise the Lord. Amen. Through the Holy. You know, people will say, we don't know who is speaking the truth. You are just telling me that you don't have the Holy Spirit. Mm-hmm. And you know, if you even have it, you don't cooperate with him. Mm-hmm. You don't know how to hear his voice. Mm-hmm. That's the meaning. Yeah. Are you getting it? Yeah. That's what you are revealing to me. You are just telling me. Because Jesus said, he said, he will guide you into all truth. Then why can't you know the truth? Or who is speaking the truth? What Christ called the truth? Und wir lesen hier, dass wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und es gibt viele Leute, die unschlüssig sind und nicht wissen, was die Wahrheit ist, aber wenn diese Menschen sowas sagen, dann offenbaren sie mir auch gleichzeitig, dass sie entweder keine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben oder dass sie den Heiligen Geist zwar haben, aber nicht mit ihm kooperieren und seine Stimme nicht hören können, weil der Heilige Geist ja einen in die ganze Wahrheit leitet und deswegen solltest du in der Lage sein, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous disent, ben, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va amener, mais ce sont aussi les gens qui disent qu'ils ont la relation avec le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit. Et ça va t'aider à comprendre, à savoir que la personne n'a pas une vraie relation avec le Saint-Esprit ou bien ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit. Parce que sinon, il saura qu'est-ce qui va arriver à l'avenir. Praise the Lord. He said the spirit of truth. It means there is also a spirit of lie. Und wir lesen hier vom Geist der Wahrheit. Das bedeutet, dass es auch einen Geist der Lüge geben muss. Donc la Bible nous dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc ça signifie aussi qu'il y a un esprit de mensonge. Remember, they said, you know, in the Old Testament, they said he sent the lying spirit to go through them. Und erinnert euch an die Geschichte vom Alten Testament, wo von einem Lügengeist gesprochen wird. Mm. Et dans le Nouveau Testament, il nous a aussi dit qu'il y a un passage qui nous dit qu'il y a eu un esprit des mensonges qui a été envoyé parmi les enfants de Dieu. Everywhere is full of the lying spirits today. Und überall ist der Lügengeist präsent und aktiv und vor allen Dingen in den Gemeinden heutzutage. Et aujourd'hui, il y a vraiment les esprits de mensonge partout, surtout dans les églises. Amen. He said he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why we know tomorrow. Mm-hmm. We know anything coming. What, you know, people say they don't know what is coming. Mm-hmm. We know. He said, we show us what to come. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Und wir lesen hier, dass der Heilige Geist uns zeigen wird, was zukünftig ist. Und deswegen wissen wir, was unser Morgen bereithält und was die Zukunft bereithält. Und viele Leute wissen es nicht und wissen nicht, was die Zukunft für sich bereithält. Aber weil wir den Heiligen Geist haben, wissen wir es. Mm-hmm. Et l'esprit de la vérité va nous montrer, nous révéler le futur, ce qui va arriver. Et c'est pour cela, cet esprit-là est en nous. Et c'est pour cela, on sait qu'est-ce qui nous amène l'avenir. Amen. Amen. A lot are afraid of the future because they don't know what is coming. Viele haben Angst vor der Zukunft, weil sie nicht wissen, was ihnen bevorsteht. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avenir parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va s'arriver. And that should not be for God's children. Aber das sollte nicht für Kinder Gottes gelten. Mais ça c'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Because the Holy Ghost shall speak. He will show you. He's the one to show you things to come. To show us things to come. Then if you are, you know, if you want to know about the future, if you are not even sure, then go to the Holy Ghost. Mm. Denn der Heilige Geist ist es, der zu uns reden wird und uns zeigen wird, was zukünftig ist. Und wenn du dir nicht sicher bist, was deine Zukunft bereithält, dann solltest du an erster Stelle zum Heiligen Geist gehen. Mm. Et il nous dit ici vraiment que le Saint-Esprit va nous faire voir l'avenir. Et si toi tu n'es pas sûr de ton avenir, là, tu dois partir vers le Saint-Esprit. And how to go to the Holy Spirit is remember Jesus. Mm. Remember Christ Jesus. Mm. His finished work. Mm. That's where the Holy Spirit can work. Mm. Und die Art und Weise, wie du zum Heiligen Geist gehst, ist, indem du dich an Christus erinnerst, indem du dich an sein vollkommenes Werk erinnerst. Und auf diese Art und Weise kann der Heilige Geist erst arbeiten. Et quand tu te demandes comment partir vers le Saint-Esprit, c'est tu pars chez le Saint-Esprit quand tu te rappelles à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Donc cette pensée va t'aider à être avec le Saint-Esprit. In verse 14, say, he shall glorify me. Verse 14. And not the flesh. He shall glorify Christ. The Holy Ghost is only after Christ Jesus. Amen. Amen. The key to open the door of that Holy Ghost is Christ Jesus. Amen. It's only through Christ that the Holy Ghost can be present. Never through Pope or any religious, any Muhammad or whatever. It's only through Christ Jesus. He said, he shall glorify me. It's Jesus that is speaking here. Amen. Und wir lesen hier, er wird mich verherrlichen. Das heißt, der Heilige Geist wird Jesus Christus allein verherrlichen. Das heißt, Jesus Christus ist das Tor und der Schlüssel, um den Heiligen Geist sozusagen wirken zu lassen in einem. Es geht nicht durch den Papst, nicht durch Mohammed oder sonst irgendeine Person, sondern er wird nur Jesus Christus allein verherrlichen. Und deswegen ist Jesus Christus allein die Tür, mit der der Heilige Geist kooperieren kann. La Bible dit que verset 14, il manifestera ma gloire. Donc ça signifie qu'il va se manifester à travers Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est seulement actif quand il s'agit de Jésus-Christ. Pas quand tu parles du Pope ou bien tu parles de quelqu'un d'autre, d'une autre religion. Non, c'est seulement à travers Jésus-Christ. It also means the Holy Ghost only works once it comes to grace and faith. Amen. Amen. Grace and faith, that which is Christ. Grace and faith is Christ. It's Christ Jesus. Amen. Amen. Grace and faith is Christ Jesus. That is how the Holy Ghost can only work. Und das bedeutet auch, dass der Heilige Geist nur arbeiten kann in Kooperation mit Gnade und Glauben. Gnade und Glauben ist das, womit der Heilige Geist arbeiten kann, nicht Gnade und Gesetz. Et c'est pour cela, l'Éternel peut seulement travailler à travers la grâce et la foi, pas à travers la grâce et la loi. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. You can see. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Ghost is just all about Jesus. Und wir lesen hier ganz klar, dass es dem Heiligen Geist nur ausschließlich um Jesus geht. Et puis il dit ici que car il puisera dans ce qui est à moi et vous la lancera. Donc le Saint Esprit épuise toujours celui de Jésus, ceux qui viennent de Jésus Christ. Il s'agit que de Jésus Christ. The absence of Christ Jesus is the absence of the Holy Ghost. Denn die Abwesenheit von Jesus Christus ist die Abwesenheit vom Heiligen Geist. Car l'absence de Jésus Christ, c'est l'absence du Saint-Esprit. And there is nothing like Christ Jesus without the Holy Ghost. Und es gibt kein Christus Jesus ohne den Heiligen Geist. Et puis il n'y a pas aussi, oui, j'ai Jésus Christ, mais j'ai pas le Saint-Esprit. Non, ils sont toujours ensemble. Amen. Those that just want Christ Jesus, they don't want anything Holy Ghost. Holy Spirit. They don't want anything Holy Spirit, but Christ Jesus alone. Praise the Lord. He's so evil. All diese Menschen, die nach Jesus bestrebt sind, aber vom Heiligen Geist nichts hören möchten und Jesus vom Heiligen Geist trennen möchten, die machen sich nur was vor, denn du kannst die beiden nicht voneinander trennen. Pour tous ceux qui sont dehors là, qui sont en train de dire que oui, je cherche Jésus-Christ, mais ils ont un peu du respect ou bien ils ne veulent pas considérer le Saint-Esprit, ça c'est vraiment mauvais, ça vraiment c'est démoniaque avoir une pensée telle comme, parce que tu ne peux pas les séparer. You know, I just said that it's so evil of them. Why? Because, you know, that sense of the Holy Ghost means you want to do the work of Christ without the Holy Spirit, without the Helper, without Christ Himself. It's all about you doing it. Und dieser Gedanke überhaupt zu haben, dass man nur Jesus haben möchte oder dass man nur auf Jesus fokussiert ist und von dem Heiligen Geist nichts wissen möchte, ist so bösartig und so teuflisch, weil das gleichzeitig auch bedeutet, dass du die Werke von Jesus Christus machen möchtest, aber ohne den Helfer, ohne den Beistand, ohne den Heiligen Geist. Et pourquoi je dis que cette pensée de séparer, d'avoir Jésus-Christ sans le Saint-Esprit est démoniaque? Je le dis parce que ça signifie que tu veux faire l'œuvre de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit, pendant que lui t'a recommandé le Saint-Esprit pour t'aider, en fait. C'est vraiment démoniaque. Are you getting it? Tu peux jamais y arriver. Praise the Lord. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ. The Holy Spirit and Christ, they are one. Der Heilige Geist und Christus sind eins. Le Saint-Esprit et le Christ sont un, une personne. They can never be separated. Und sie können niemals voneinander getrennt werden. Ils peuvent jamais être séparés. Amen. Praise the Lord. Amen. Ja, diese Leute, diese ja, diese people who claim to believe in Jesus but reject the Holy Spirit, they won't openly say they reject the Holy Spirit. They won't tell you that we don't believe in the Holy Spirit. They will say they believe in the Holy Spirit. They will even say they believe in the Trinity, that the Holy Spirit is also God, and they will also even say the Holy Spirit is even a person. But then those same people will say that the Holy Spirit, they don't pray to the Holy Spirit, they don't worship the Holy Spirit. And that's where the separation from Holy Spirit and Jesus starts. Because they say, yes, the Holy Spirit is a person, but we don't pray to the Holy Spirit. We don't. We only pray to Jesus. We only pray to Jesus and the Father, only the two. But we don't pray to the Holy Spirit. That means they are separating the Holy Spirit from Jesus. And because whenever we are praying to Jesus, we are also praying to the Holy Spirit and the Father, to all three. Our prayer goes to three. But we pray in the name of Jesus, and because the name of Jesus is the name that made it possible for us to have access to God. But still the Holy Spirit is also, we also pray to the Holy Spirit, but in the role of the Holy Spirit as a helper, as a teacher, as a comforter. That's how we pray. Saying thank you to the Holy Spirit is prayer to the Holy Spirit. Saying Holy Spirit, guide me. Guide me is prayer to the Holy Spirit, because you never say prayer, Holy Spirit. You never say, Mary, guide me, or Abraham, guide me, or Moses, guide me. You can only say that to someone who is God and who is worthy to be praised. So that's how you recognize this kind of people, because they will not openly say, we don't believe in the Holy Spirit. They will say they believe in the Holy Spirit. But then we start this false teaching that they don't pray to the Holy Spirit. They only pray to Jesus and the Father. Praise the Lord. Alléluia. Oui, bref, en fait, le frère a dit qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne croient pas, qui sont en train de dire qu'ils sont pour Jésus-Christ, mais ne vont jamais dire qu'ils sont contre le Saint-Esprit. Ils vont dire que oui, je suis aussi pour le Saint-Esprit, mais dans leur doctrine, tu vas voir que ils disent que nous, on ne prie pas vers le Saint-Esprit, on prie seulement vers Jésus-Christ parce que ils veulent, tu vas voir que la séparation est dans leur doctrine, dans leur racine et pas vraiment visible en fait. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Ces gens-là, ce n'est pas vraiment facile à les détecter directement comme ça. You can see the lies of Satan, how bright it is in everything. Und man sieht, wie weit die Lügen des Teufels reichen. Et puis tu peux voir comment les mensonges du diable sont vraiment très vastes, dispersés. Amen. It is true that there is nothing like the Holy Spirit without Christ. Because there are some that are just all about the Holy Spirit, but they are not after Christ Jesus. Und der Heilige Geist und also es gibt nicht den Heiligen Geist ohne Jesus Christus, denn auf der anderen Extreme gibt es auch Menschen, die sozusagen so Heiliger Geist zentriert sind und Jesus Christus vernachlässigen oder nichts von ihm hören wollen. Donc il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ sans le Saint-Esprit, parce qu'il y a aussi de l'autre côté autres personnes qui sont vraiment concentrées au Saint-Esprit, mais ils veulent pas voir ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Ogieva just explained something, and this, you know, those that see the Holy Spirit. These people, this group that he talked about, they don't even want to mention the Holy Ghost in anything. You understand me? They don't recognize him as even anything once he comes to believe in Christ Jesus. Und diese Gruppierung, von dem wir gerade vom Bruder gehört haben, sind Menschen, die den Heiligen Geist überhaupt gar nicht in Erwägung ziehen als anbetungswürdig. Das sind Menschen, die den Heiligen Geist diesbezüglich außer Acht lassen, aber meinen, dass sie an den Heiligen Geist dennoch glauben. Le groupe de personnes que le frère est en train de vient de dire, ce sont des personnes qui sont en train de croire en Jésus-Christ. Ils disent aussi qu'ils croient au Saint-Esprit, mais ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit, qu'on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. You know, Jesus called, he said, all sins, you know, there's forgiveness in all sin, except the sin against the Holy Ghost. Remember that. Because once you sin against him, you can never be saved. Those people that always, you know, that always exempt the Holy Ghost, they are not even saved. Because without him, there is no salvation. You have to believe that he is, before you can even be saved. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, dass jede Sünde kann vergeben werden, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und all diese Menschen, also die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet, den Heiligen Geist nicht zu glauben, ne? Den Heiligen Geist sozusagen auszuklammern, außer Acht zu lassen. All diese Menschen, all diese Gruppierungen sind noch nicht mal errettet, weil du brauchst den Heiligen Geist, um überhaupt errettet zu werden. La Bible nous dit vraiment que tu peux faire, il y a beaucoup de péchés, tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf quand tu pèches contre le Saint-Esprit. Et toutes ces personnes-là qui sont en train de dire que oui, le Saint-Esprit, on ne peut pas l'adorer, ceci, cela, ça fait voir qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit comme il se doit et ils ne sont pas aussi sauvés. Ils ne sont même pas nés de nouveau, donc ils ont un plus grand problème. We have to know more about the Holy Ghost. Wir sollten viel mehr über den Heiligen Geist erfahren. On doit vraiment connaître plus du Saint-Esprit, concernant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Because it is the power of God. Es ist die Kraft Gottes. Car le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. It's the power of manifestation. Er ist die Kraft der Manifestation. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la manifestation. He has his own job. Er hat seine eigene Arbeit. Et il a son propre travail. And his job is very important. Amen. Und seine Arbeit ist sehr wichtig. Et ce travail est vraiment très important. Amen. Amen. Without him, we can never be saved. Ohne ihn können wir niemals errettet werden. Et sans lui, on peut jamais être sauvé. And without him, we can never be able to continue in Christ. Amen. Ohne ihn werden wir niemals in der Lage sein, mit Christus weiterzumachen. Et sans lui, on est même jamais capable, on peut jamais être capable à continuer avec le Christ. We just need him to end with Christ. Amen. Wir brauchen ihn. We need him so Amen, much. Amen. Wir brauchen ihn, um diesen Weg mit Christus zu beenden. On a vraiment besoin de lui pour continuer ce chemin. On a vraiment besoin de lui pour clôturer ce chemin avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Can we go to Ephesians 1 verse 10? Praise the Lord. Okay. Ephesians 1 13. Yeah. Praise the Lord. Wir lesen Epheser 1 Vers 13. On va lire Ephésiens 1 verset 13. Classe poitrine. Et 14. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In verse 13, it's true. Yeah, amen. Let me read it. In whom ye also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, after that you believe, you were sealed with that Holy Ghost. With that Holy Spirit of promise. With the Holy Spirit of promise, you were sealed. Amen. It's the seal. Amen. Amen. That seal it. Amen. Amen. Amen. You, without the Holy Ghost, no one can continue in Christ. Amen. It's not possible. Amen. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, und ohne den Heiligen Geist können wir nicht mit Jesus weitermachen. Donc on a vraiment été scellé avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable à continuer. Amen. Amen. Then in verse 47, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, let me continue here. Amen. Amen. I don't want to know anything outside Christ. Ich möchte nichts außerhalb von Christus wissen. Moi, je ne veux pas connaître quelque chose en dehors du Christ. Amen. Amen. I don't want to know any English language. I just want to know Christ. Ich möchte mich nicht mit der englischen Sprache gewählt oder Deutsch oder Benin perfekt beherrschen können. Ich möchte einfach nur Christus haben. Moi, je n'ai pas vraiment intérêt à comprendre, à connaître la langue allemande ou bien l'anglais, anglaise, bénin. Donc, toutes les langues, je n'ai pas vraiment intérêt à les connaître. Je veux seulement connaître le Saint-Esprit et Jésus-Christ. You know, I heard a man some time ago saying, hey, this the pastor can speak English very well. That's why I just listened to him. Praise the Lord. Then you cannot listen to Jesus because Jesus did not speak English. He never spoke English when he was even here. Ich habe eine Person gehört, die mal gesagt hat, boah, ich höre mir diesen Pastor XY voll gerne an, weil er total gut Englisch sprechen kann und sich total gut im Englisch ausdrücken kann. Aber das ist total lächerlich, weil das auch heißen würde, dass eine Person wohl Jesus da nicht nachfolgen würde, weil Jesus noch nicht mal Englisch gesprochen hat, als er hier war auf Erden. J'ai écouté une personne dire que oui, ce pasteur que je l'écoute seulement parce qu'il parle un bon anglais et ça, c'est vraiment étonnant, imponant et oui, ça me plaît. Donc ça signifie que tu n'es même pas capable à écouter Jésus-Christ vu que Jésus-Christ n'a même jamais parlé anglais. Amen. He never teach in English language. Er hat niemals in der englischen Sprache gelehrt. Il n'a jamais enseigné dans l'anglais. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's go to 1 Corinthians 2, please. Wir lesen 1 Korinther 2. On va lire 1 Corinthians 2. Praise the Lord. Amen. First Corinthians 2. From verse 1, please. 1. Korinther 2, Vers 1. I love the word of Paul. 1 Corinthians 2, Vers 1. Praise the Lord. Hallelujah. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech, or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know any man among you, save Jesus Christ, and whom crucified. And I was with you in weakness and in fear and in trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 5. For your faith should not stand in the wisdom of men, yeah, but in the power of God. Amen. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world. Are you getting it? Amen. He separated the wisdom of Christ and the wisdom of this world. Amen. They are not one, and they can never be one. Amen. Und hier trennt Paulus die Weisheit dieser Welt mit der Weisheit von Christus, denn sie sind nicht eins. Ici vraiment on voit 1 Corinthiens 2 à, de 1 à 5 que Paul est en train de séparer la sagesse de cette de ce monde avec la sagesse de Dieu. Il dit que c'est pas vraiment important dans la sagesse de Dieu de d'utiliser des mots impressionnants. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, "None of the princes of this world that come to naught." But we, verse 7, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Mm-hmm. Ooh, praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Ah, the wisdom of man and the wisdom of God are parallel. Mm-hmm. They are never, they can never meet. Mm-hmm. They are like day and night. Die Weisheit von Christus und die Weisheit von den Menschen sind gegensätzlich. Die sind nicht gleich und sie können niemals gleich sein. La sagesse du Saint-Esprit, la sagesse de l'être humain, c'est vraiment, c'est le contraire, ça ne peut jamais pas être parallèle. The wisdom of God is choosing Christ. That is the wisdom of God. Die Weisheit Gottes bedeutet, sich für Christus zu entscheiden. Car la sagesse de l'éternel, ça signifie que quand, c'est quand tu es en train de choisir, oui, le Saint-Esprit, Jésus. And it is evil before man. Und diese Weisheit ist bösartig vor den Augen der Menschen. Et cette sagesse de choisir Jésus-Christ et rejeter le monde, c'est vraiment de la folie pour l'être humain. Are you getting it? The wisdom of God is choosing Christ. Die Weisheit Gottes bedeutet, sich für Christus zu entscheiden. Car la sagesse de Dieu, c'est quand tu es en train de choisir Jésus-Christ. It is evil before man and religion. Und die Weisheit Gottes ist bösartig vor den Augen der Menschen und vor den Augen der Religion. Et la sagesse de ce monde, c'est vraiment mauvais. Non, la sagesse de Dieu, c'est vraiment mauvais devant le monde et la religion. Why the wisdom of this world is evil before Christ? Und die Weisheit dieser Welt ist bösartig vor den Augen des Herrn. Mm-hmm. Parallelize. La sagesse de ce monde est aussi mauvaise devant l'Éternel. Et tu peux voir qu'il n'y a pas de parallèle là-bas. C'est vraiment contradictoire. Praise the Lord. Amen. In 1 Corinthians again, chapter 1, please. Wir lesen 1. Korinther 1. On va lire 1 Corinthiens 1. From verse 17. Ab Vers 17. Verset 17. Praise the Lord. Amen. He said, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, good words, good English, good language. Can see how I pronounce everything, sound, and are you getting it? Mm-hmm. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. The preaching of the gospel is to them. You can see they are different from you. Mm-hmm. You can see you are never the same. Mm-hmm. And stop seeing yourself as one. Are you getting it? Mm-hmm. You are they are opposite you, you are opposite them. Mm-hmm. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. He said they are foolishness unto them, but they are the power of God unto us. Mm-hmm. Und Paulus sagt hier ganz klar, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, das ist eine Gotteskraft. Das heißt, wir dürfen uns nicht mit diesen Leuten vergleichen, die töricht sind, ne, weil sie das Wort Gottes verweigern oder weil sie meinen, mit guter Redeweisheit irgendwelche Leute überzeugen zu können. Aber uns geht es nicht darum, uns geht es um Christus allein. Verset 17, pardon, 1 Corinthiens 1, verset 17, il dit d'abord la deuxième partie, et c'est là, donc il est là pour proclamer l'évangile, et c'est là sans recourir à la sagesse de beaux discours. Et en verset 18, il dit qu'en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Donc ça signifie qu'on ne doit jamais vraiment se comparer avec les gens de ce monde, parce que eux vraiment, c'est que la sagesse de l'Éternel est une folie pour eux. Donc pourquoi tu te compares avec ces gens-là? Amen. You can see there is separation here. There is division. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. They are different from you. We are never the same. Mm-hmm. And you should never compare yourself to them. Mm-hmm. Or compare them with yourself. Never. Mm-hmm. Are you getting it? Und wir sehen hier ganz klar, never one. Und wir sehen hier ganz klar, dass Paulus hier einen Unterschied macht. Ne? Er trennt sozusagen die Torheit von der Menschen mit den wahrhaftigen Kindern Gottes. Und deswegen sollten wir uns niemals mit diesen Menschen vergleichen. Das gilt auch für religiöse Leute, ne? Die versuchen, das Wort Gottes durch eloquente Rede oder gutes Englisch zu predigen. Wir sollten uns niemals auch mit diesen Leuten vergleichen, sondern wir sollten verstehen, dass wir sozusagen unser Fokus auf Christus haben und die nicht. Donc nous, on doit vraiment reconnaître que nous, les enfants de Dieu qui ont la vérité, on a notre concentration seulement sur sur la parole de Jésus-Christ et pas comme eux, parce que eux, la religion, les gens de ce monde veulent toujours impressionner les gens avec leur discours langue, avec leur anglais, leur français, leur allemand qui est vraiment très qui donne l'impression que c'est un qu'il y a un professeur devant toi, mais ça c'est pas le Christ, ça c'est pas la sagesse du Christ. Et toi, étant un enfant de Dieu, tu dois savoir des histoires pareilles. Amen. Understanding English language is not understanding Christ. Die englische Sprache richtig zu verstehen oder zu beherrschen bedeutet nicht, dass du Christus auch damit gleichzeitig verstehst. Être capable à connaître, à comprendre une langue, l'anglais ou bien le français, ça signifie pas que tu es capable à connaître la vérité du Christ. Amen. Understanding English language is not understanding the Holy Ghost. Und die englische Sprache oder was auch immer für eine Sprache zu beherrschen, bedeutet nicht, dass du den Heiligen Geist damit verstehst. Et seulement parce que tu comprends, tu écoutes l'anglais, ça signifie pas que tu es vraiment concentré, que tu es, oui, tu comprends la vérité du Christ. Amen. Mm-hmm. Heiligen Geist. Oui, du Saint-Esprit. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. let me continue. Amen. First Corinthians 1 verse 19 now. Wir lesen Vers 19. It says, for it is written. 1 Corinthians verset 19. I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Have not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. You see there. Mm-hmm. Understanding everything here does not mean you know Christ. Mm-hmm. Und wir sehen hier in Vers 21, dass nur weil du sozusagen die Weisheit dieser Welt hast und die Dinge der Welt hier verstehst, bedeutet das nicht, dass du gleichzeitig auch Gott verstehst. Mm-hmm. Donc, 1 Corinthiens 1, verset 21 nous fait voir ici qu'en effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de sagesse. Donc, ça signifie que juste parce que tu es capable à comprendre La sagesse de ce monde, ça signifie pas que tu es capable à comprendre la sagesse divine. Amen. Mm-hmm. It says, please God by the foolishness of preaching to save them that believe. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. You know the boat. Amen. He said the boats are everywhere today. Mm-hmm. Some are looking for sign. Mm-hmm. Amen. They are always looking for sign. There are some, they are just after wisdom. Their people are so intelligent. You know, people want to know them. They want to go to the moon, to every, you understand me? Genius. They are genius, you know. He said the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified. I love that. Amen. Verse 23. But we preach Christ. We preach Christ crucified unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness. Yeah. Praise the Lord. Yeah. He's just describing everything of today. Yeah. Amen. Mm-hmm. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Okay, I just said. That's okay. Okay. Wir lesen hier ab Vers 22, dass Paulus einen Vergleich herstellt zwischen Juden und Griechen. Ne? Dass Paulus sozusagen, dass wir heute in dieser Weltzeit immer noch einige Juden haben und immer noch einige Griechen haben. Und zwar die Leute, die genauso wie die Juden hier nach einem Zeichen fordern. Also Leute, die immer nach irgendwelche Sachen sehen wollen. Erst glauben, wenn sie es sehen. Ne? Nach irgendwelche Zeichen suchen. Und gleichzeitig gibt es auch diese Menschen, die, so wie die Griechen, nach Weisheit verlangen. Ne? Dass sie versuchen, sich irgendwie mehr Intelligenz anzueignen, sich zu interessieren für die Wissenschaft dieser Welt, ne? Und immer mehr Weisheit erlangen wollen dieser Welt. Ne? Aber Paulus sagt hier ganz klar, dass uns, den wahrhaftigen Kindern Gottes, geht es weder um Zeichen noch um Weisheit, sondern wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Und dass unser Fokus sozusagen daran liegt, dass wir Christus allein haben, ohne nach Zeichen zu verlangen und ohne nach Weisheit zu verlangen. Ici, verset 21 jusqu'à 23, on voit vraiment qu'ils sont en train de, il est en train de comparer les Juifs et aussi les Grecs, par exemple, quand on dit que les Juifs, ils ont besoin d'un signe pour croire, et les Grecs, ils ont besoin d'une compréhension, hein, pour voir, pour reconnaître. Mais verset 23, il dit que nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes vraiment différents de tous les deux, de tous les deux cas, parce qu'on est seulement concentrés et focalisés au Christ. Praise the Lord. Et ces deux cas, on les trouve même aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent à avoir des signes ou avoir la connaissance, la sagesse avant de réellement croire. Amen. If you see the whole world today, amen. You know, people, once you are intelligent, that you are so clever, people want to become your friend. They just want to know you. They want to bring you out in CNN. While this the media, they want to know you. They want to associate with you. They want to know what you know. But how many want to know Christ? Und wir sehen das auch in der heutigen Weltzeit, ne? Dass wenn eine Person so intelligent erscheint, dass ganz plötzlich die ganze Welt hinter der Person her ist, ne? Dass die Person überall eingeladen wird, dass die Person auf einmal überall im Fernsehen zu sehen ist, in den Nachrichten zu hören ist, weil diese Person so viel Intelligenz und Weisheit ausstrahlt. Aber wer schart sich um Jesus Christus? Wer würde Jesus Christus so hinterherlaufen? Donc on peut le voir aussi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est vraiment intelligent, tu vas voir que vraiment à CNN, ils vont dire que oui, par exemple, oui, cette personne, elle a 21 ans, et les professeurs, docteurs, il a tout, des degrés ici, et vraiment très intéressant, et tu vas voir vraiment que tout le monde veut être ami avec une personne comme ça. Tout le monde veut dire que c'est identifié avec une personne pareille. Mais qui veut connaître l'Éternel? Si tu es une personne qui connaît Jésus-Christ, qui est focalisée au Christ, qui voudra être ton ami, qui voudra te suivre comme ils sont en train de suivre la personne qui est vraiment très intelligente. Mm-hmm. Who is parading Christ today? Mm-hmm. Amen. Yeah, they're showing him today. You know, once there is somebody so intelligent, you know, they have wisdom, a lot of the wisdom of this world. You know, they have it. That person have it, but that person is not the wisdom. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That person might have the wisdom of this world, mm-hmm. but he or she is not the wisdom. Amen. But here the Bible says Christ, the wisdom of God. Mm-hmm. And no one wants to even know him. Amen. Christ does not just have wisdom, but he is the wisdom. Amen. Are you getting this? Yeah. Und diese Person würde von allen Leuten sozusagen gefeiert oder bewundert werden. Ne? Und alle Leute würden sich gerne mit dieser Person assoziieren können, aber weil er sozusagen diese Weisheit dieser Welt hat. Aber er mag diese Weisheit dieser Welt besitzen, aber er selbst ist nicht die Weisheit. Aber wir lesen hier ganz klar im Wort Gottes, dass Christus die Weisheit Gottes ist. Und wer würde gerne mit Christus selbst sozusagen associés werden wollen. Tu vas voir vraiment qu'il y a des gens, quand ils sont rentrés de voir une personne qui est vraiment très intelligente, tout le monde veut être comme lui. Mais malgré que la personne est seulement sage ou bien intelligent, il n'est même pas la sagesse. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est lui-même la sagesse. Il n'est pas seulement sage, il est la sagesse. Mais qui aujourd'hui veut s'identifier avec la sagesse lui-même? La personne. Donc c'est vraiment une folie. Amen. Mm-hmm. In verse 24, it says, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Mm-hmm. Christ the power of God. Mm-hmm. He is also the wisdom of God. Mm-hmm. It means you cannot have him and not have wisdom. Mm-hmm. Amen. Amen. In Vers 24 lesen wir ganz klar, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das heißt, du kannst die Weisheit Gottes du hast die Weisheit Gottes automatisch, wenn du auch Christus hast. Et donc, ça signifie que verset 24, la deuxième partie nous dit Christ est puissant et le Christ est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ça signifie que si toi tu as le Christ, ça signifie que tu as la puissance en toi et tu as aussi la sagesse de toi parce que c'est impossible d'avoir Christ et de ne pas être sage et de ne pas avoir la puissance de Dieu. Amen. So also you cannot know the truth, what Christ called the truth, and not be free. Mm. Are you getting it? Mm. You cannot have Christ Jesus and not have wisdom. Mm. The true Christ and not what he called wisdom. Mm. And you cannot know the truth and not be free. Mm. What Christ called the truth is our freedom. Mm. Und genauso kannst du auch nicht die Wahrheit haben, die Wahrheit selbst in dir haben und da nicht frei sein. Ne? Genauso wie du Christus in dir hast und du gleichzeitig auch die Weisheit Gottes in dir hast, genauso bist du auch frei, wenn du die Wahrheit Gottes hast. Mm. Et c'est pour cela tu ne peux plus jamais, quand la Bible nous dit aussi que si tu as la vérité en toi, tu connais la vérité et quand tu as la vérité en toi, c'est automatiquement que tu es aussi libéré vu que la vérité est en train de libérer une personne. If you look at Christ, what he is everything that he have. Are you getting it? Mm-hmm. You can have money and not be that money. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. You can have a house and you are not that house. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Once you come to Christ, he have the truth and he is the truth. Mm-hmm. He have wisdom and he is the wisdom. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He have love and he is the love. Amen. Mm-hmm. You can just see everything. He has life and he is life. Amen. You can see it. He does not just have something. That's why once you really have it, praise the Lord. Amen. That's why everything start and end with him. Amen. Und uns sollte klar sein, dass sobald wir Christus haben, also Christus wahrhaftig haben, haben wir auch gleichzeitig alles. Weil ein Mensch kann beispielsweise Geld haben, aber er selbst ist nicht das Geld. Oder er kann ein Haus haben, aber er selbst ist nicht das Haus. Aber Christus gibt nicht nur Leben, sondern er selbst ist das Leben. Amen. Er gibt nicht nur Weisheit, sondern er selbst ist die Weisheit. Er gibt nicht nur Liebe, sondern er selbst ist die Resurrection. Ne? Er steht nicht, er weckt nicht auf, sondern er selbst, er ist nicht auferstanden, sondern er selbst ist die Auferstehung. Ne? Also wir sehen, dass du alles sozusagen in Christus selbst hast, wenn du ihn auch wahrhaftig hast. Et la chose qui est vraiment remarquable est ici que, par exemple, personne, tout le monde peut te donner quelque chose, mais il n'y a personne qui est la chose qu'il te donne. Mais avec le Christ, c'est le contraire. Lui, par exemple, il est ce qu'il te donne aussi. Par exemple, il n'est pas seulement, on te dit aussi que il n'est pas seulement la liberté, il est... Il ne libère pas seulement, mais il est aussi la liberté. Ou bien, par exemple, il n'est pas seulement ressuscité, mais il est aussi la résurrection. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples qui nous font voir que Jésus-Christ lui-même, il est la personne qui te, il te donne quelque chose, mais il est aussi la chose qu'il te donne, en fait. Are you getting it? And that's why, you know, once you come to Christ, that you have him, he is in you. Even in your foolishness, is wiser than that whatever they call their wisdom. Und wenn that's Vers 25 hier. Und in Vers 25 gibt uns zu erkennen, dass wenn du wirklich Christus hast und Christus in dir ist, dann ist selbst das Törichtste von dir immer noch das Klügste von dieser Welt. Et Vers 25 nous fait voir que verset 25 nous fait voir que la sagesse, même quand on est en Christ, la chose la plus stupide qu'on peut dire dans Christ est toujours la chose la plus intelligente dans ce monde, en fait. Donc, plus sage dans ce monde. Hein? Praise the Lord. Parce qu'il a dit ici car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen. Amen. They may look intelligent. They may look sound like that. They may do. You can just see it. Amen. Amen. He said, because the foolishness of God is wiser than men. The foolishness. No matter how foolish you are as a son of God, Amen. You are wiser. You are greater than them. Mm. I don't know if somebody's getting it. They are number one. Und wir lesen hier ganz klar, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das heißt, egal was für eine törichte Aussage du tätigen magst oder egal wie töricht du dich verhalten magst, das ist immer noch weiser, immer noch klüger, immer noch intelligenter als der Mensch, der gegenüber dir steht. Das heißt, du stehst viel höher als, keine Ahnung, Bill Gates, Steve Hawkins, wer sind die? Weil du bist über diesen Menschen, weil du Christus hast. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant ici parce que ça te fait voir clairement que n'importe quelle chose que tu peux dire que qui est vraiment qui n'est pas sage dans ce monde, dans le monde du Christ, dans le royaume des cieux, pour ce monde, tu es toujours la personne la plus sage parce que ils peuvent jamais se comparer avec toi parce qu'il dit ici que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc la chose la plus stupide que tu peux dire dans ce monde étant un enfant de Dieu est toujours la plus intelligente que tu peux dire dans ce monde. Stop underrating yourself, please. Hör auf, dich selbst zu unterschätzen. Arrête de te sous-estimer.